Isolé du monde et la lumière nous rend ludique. C'est pas ma faim qui viendra m'allumer. J'en ai pas assez d'écrire de la musique. J'en ai pas fait de l'avouer. De la patate, t'aurais bien fait de me l'avouer. Bizarre. On va faire une ancienne nouvelle. Tu vas comprendre. Une indémodable. Toujours des classiques. Voilà. Et c'est l'élève crew. Eh. T'étais pas prêt ça. Hein. J'étais pas prêt là. Vous pensez quoi? Que je décris ma fierté pour quelques billets verts. J'ai su rester solide, mais moi cette année, je vais toucher le pied, frère. Et j'attends l'avenir plus ferme, j'ai géré mes efforts. Pas déçu d'avoir touché le fond, car en remontant, je suis resté fort. Mes forces, croire en ce qu'il y a de bon dans ce monde, à croire que tout est bon. J'oublierai pas les vagues de tristesse, même si l'eau coule sous les ponts. Partage un spiff pour me sentir ailleurs. Je voudrais me parler que d'ici, mais quand je m'exile, mes blèmes sont tirés ailleurs, merde. D'ailleurs, crois pas tout ce qu'on dit. Certains pleurent tout l'or du monde, tout important du Visconti. Les condés peuvent plus qu'on tire, plus altère sur leur matraque. On sait pas des gardiens de la paix, je vois que de la haine quand ils m'attrapent et je vous emmerde. Moi j'emmerde vos discours tout faits. Je vois que l'État nous laisse dans la merde, car on finit par y étouffer. Petit peu tout feu, tout flamme. Je m'en fous si ça plaît pas, t'inquiète, je viendrai tout embraser. Mais quand le climat s'apaisera, malafak. EDRF, hein, SLF Crew. Ouais. Je suis dépassé, on fait que de rechercher le prestige. Et on regrettera le temps passé, quand du passé on sera des vestiges. Dépressif, j'allume mon step et je fais ça dès le matin. J'ai le cœur troué, dis-moi qui oui. C'est qui va le colmater. Je suis râlé jusqu'au matin et je crois que le pire m'attend. Enveloppé moi dans du satin, si je nous sors un fils maton. Et c'est au mal qu'on s'adonne, un globe froid sur la tempe. Si je fais que de leur casser le quoi, est-ce que je serai un suppôt de Satan. Et je creuse ma tombe, pété je fume la bombe. Je baisse la brume, la blonde, si tu veux t'aider, amène toute ta bande. Et sur un malentendu, je peux briser ton cul ou ton. Et moi là l'adim je vais ken ta mère comme si j'étais ton père. Et je suis trop pété faux, je t'en perds. Le temps passe, mes frérots le temps presse. Fais du cash on encaisse. Pour sa con c'est la l'air ça dans des grosses caisses ouais. Dans des grosses caisses. Grosses caisses 90-10. Ok non, c'est la dernière. 17. Ok. Dernière ok. Donc vas-y impro allez. Ce soir c'était Radio Sud, y'avait plein de MC. Encore une fois sur le but, tu viens t'esqui, on vient du maquis. Représente pour les refs, encore une fois, une pour Chao, une pour Junes, la 25ème, frérot. Tu n'éco, déjà on organise des freestyles. On vient de Besançon ici, c'est comme dans Pêche de Cristal. C'est difficile mais merci à Radio Sud de nous supporter. Encore une fois sur le but, on vient avec tous les supporters. Représente pour tous les gens dans le positif. Encore une fois sur le but, on connaît les actions, ça arrache les tifs. Trop de soucis dans la tête. Encore une fois sur le but, certes, j'arrive comme un gros veuglé. Un gros glaive pour ceux qui sont du père. Encore une fois sur le but, j'arrive, viens de la rue mon frère. Représente pour les potos, on est là au micro. Tu me n'éco, je n'éco, mico. Comme on refrain négo, c'est RITZ au poteau. Je tape des impros, je suis zinzin. Fous la caille encore une fois sur le beat, c'est dindin. La 25ème poteau, vraie émission pas toi. Encore une fois sur le beat, wesh. On parle pas ton patois, laisse-nous tranquille, ces besoins sont ici. Encore une fois sur le beat, bien trois amis, on arrive l'ami, on arrive tranquille, on pose. Représente pour tout le monde, si t'es pas de ceux-là, reste dans ta tombe. Et ça fout la caille, la 25ème poteau. Encore une fois sur le beat, ouais, je demande à tous les héros. Fous la caille ou MICRO, tu nous négo. On représente pour tout le monde, n'est pas dans vos guerres frérot. Laissez-nous tranquille avec vos histoires de deal. Encore une fois sur le beat, qu'est-ce que tu veux que j'y arrive maintenant, ça kill. Madinina, fous la caille, encore une fois, je suis là. Je représente encore une fois la 25ème, tu le sais, au micro. Yeah. Le tonton a parlé. Bon, c'est mon tour maintenant. Laisse la pote. Un. Ouais. Écoute. MC Muet. Aïe, lourd ou pas? Chou, t'as un mot. Papa! Vas-y, reste la prod, les gars, allez-y. Au cas où ça s'arrêterait, mes phrases à mauvais caractère. Sur le blason, j'élabore des écritures qui forcent le terre à me taire. La fond lâche depuis petit peu des trucs de barge que l'on a décelés. Brillant comme l'or du monde, j'ai peur de rien, appelle-moi l'aigle. J'en parle, j'suis pas à l'aise. Pour eux, la méfiance compte à bout de force comme une falaise. J'ai pris le micro, fallait qu'on dénonce les engagements politiques indécis. Fornication, somnolence, la bonne à pleurer loin d'ici. Apeuré par l'issue. du style noir et blanc, du style qui fout la rage, ambiance est salement comme pour un démon. J'écouterai pas les autres, je vais casquer la démo. J'ai plus rien dans les poches, m'en bats les couilles, tu peux rater des mots. Comprends ma page et je me noie dans un vécu qui colle. Grandis dans ma cage, paranoïaque comme mon daron picole. Fallait pas se bagarrer, offrir de bagues à cette salope 1200 vagues qui valent de l'or que quand je suis mal garé. Je me laisse pas faire, les sons sont sortis seuls, tout le sens de ma douleur aiguise essence et je ne laisse moi passer, j'ai pas la gale. Je vais remplir tout ton concert, on pète souvent la dalle, c'est pas ton label qui me conserve. Pédé. Ok. Yeah. Écoute. Tu vas me faire un petit R&B ou quoi? Oh baby. Ok, bah je rappe pas, on s'écoute de ma gueule. Vas-y, on va switcher. On va switcher. Sur quoi? Ah, mais moi je suis là, je vais. Mais moi je rappe. Je sais pas. On va rentrer quoi? C'était pas celle-là que je voulais mettre. Ah, tu nous fais des feintes? Ouais. Si. Ah, ok, ça fait. Ok. Maudit diversification du son, déverse le poison dans la boisson. J'arrive sur le son, toujours fond. Certains me connaissent en tant que mauvais garçon. Appelle mon gros, t'en verras pas le bout. Nous cherche pas trop, un sur deux, on est fou. Voyons, tu connais pas d'autres et foufou. Voyons, tu connais pas d'autres et voyou. Terroriste de la Turpin. Pendant que tu dors, nous on va au turbin. On fait du propre, on fait du sale. Trouve-nous toujours ganté, toujours masqué. Tu veux être sûr, de trouver sûr. Vas-y, mon gaba, t'as allongé le mur. Sans la peinture et écoute les murmures. Tu vas tomber sur une bande de durs. Nous, mon gaba, on vient de la vieille école. Nous, mon gaba, on respecte les codes. Eh ouais, mon gros, tu triches payé d'école. Je vais faire du body painting à la mode. En équipe, on a de la bombe comme Daesh. En équipe, on a du monde, garde la pêche. Un simplement, ça débarque comme des flèches. Un mouvement et ça s'enflamme comme la mèche. L'état recherche nos frères, on vit en guerre. Toujours en train d'enjamber les barrières. On nique pas Panama, le tresse notre terre. Toujours poursuivi par des sales cerbères. On est partout sur les murs et les ondes. Normalement, poche, je te dis la terre est ronde. On est partout sur les murs et les ondes. Normalement, poche, je te dis la terre est ronde. Poste sur un T, j'annonce les mesures. Individu qui te fera suer. Shit tes coquines dans le four sous les murs. On y passe depuis longtemps, t'es pas rassuré. L'homme reste un être à la traîne, caché complètement pété. Suivre nos traces, ce n'est même pas la peine. Une bécane à BM pour mieux se la péter dans le Banks. Sortir du car et se faire griller sale. L'avertissement sera pour les collègues. Je vais faire la moule à la malle à la caramel. Et dans la poche du gérant qui fera briller ça. Calage est fort, t'es max 530, t'es max 530i. Pistolet mitrailleur, j'ai la tête ailleurs. J'annonce la mongolerie. Envoie la cesse, on vit la hesse, la test nous aime. On vit, on meurt, s'ouvre le cœur et la tête. Demande à S2M. Aucune histoire ne fait peur, j'ai la douleur qui me tient à travers les lambeaux de mon cœur. Pister la rue, on y pense, on croit vraiment au Seigneur. Le destin ferait les choses, cerveau pété par la poudre. Dans des chaussées, sur le rez-de-chaussée, des menaces et des coups qui en pleuvent, alors prévoit la poudre. Peut-on comprendre, allez tous, mon équipe est au cas rêve. Bédon sur bédon, booster en I. Prends pas le temps d'une trêve, on veut les enterrer, enterrer. J'ai tes pochons dans sa coche élevée. Pas pas trop mal de nos darons ici, c'est pas ta mère la pute qui nous a élevés. On va les rayer de la carte, rapper business ne font pas mon ménage. Voiture allemande sans un sou dans la poche, faut faire bosser les ménages d'une femme de ménage. Mais ça nous ramènera pas du bord, mec, c'est pas la street qui commande. Prends pas les sous trop faciles, allongés sur le bitume d'une rue à l'étrange. Béton sur béton, les frères qui tombent au placard, et je te parle pas de ménagerie. Singerie qui mène à la guerre, téléphone coupé, embrouillé, messagerie. Signer des pactes, gagner le pactole, personne n'est stupéfait. Les stupes sont des clients cachés, on viscère des sachets dans la street pour finir. Super T, RS4, série 5, allez tout Hollandia, super. Depuis le Banks, c'est pas celle que l'on te vendra. Bite inséré, c'est la nouvelle école qui nous fait déraper. Depuis qu'on est minot par mal du RAP. Sortir de nos vies pour sortir un CD. Fais pas la star gros, on s'est baladé là où tu pouvais payer. Ceux qui soutiennent sont des vrais, on est vraiment balèze, on pourrait te faire bégayer. Le soir au haut, tout le monde est hall. Le Jack est frais dans la bouteille en verre. Une fois qu'on piave, tout le monde est rail. Quand c'est des barques, il veut haga le maire. Sale équipe, sale époque. Bandit, saleté, équipe froissée, bitu, ruelle. Gambri en lit, on veut se la faire, sans pleine ambli. Hey, il est chaud. Dizda, chaud. Chaud, chaud. Merci les gars, merci les gars, merci, merci d'être venus, merci d'avoir lâché, craché le feu. Il fait chaud dans le studio, il fait chaud. Il fait chaud de ouf. Ouah, c'est merci, déjà l'été. Merci. Il est minuit, bientôt passé. 10. Ouais. On va rendre tout doux l'émission, on va rendre l'antenne. On remettra des open mic prochainement. Donc restez branchés pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, Snap, Insta. Merci à Sangfroid pour la première heure. Merci à toi. Spéciale. Et puis à bientôt, hein, on se voit la semaine prochaine. Show. 22h minuit, la 25e, Radio Sud, 101.8, radiosud.net. On est là. Allez, ciao, ciao, ciao. Would you still hug me if I got locked up and sentenced to a quarter century? Could I count on you to be there to support me mentally if I went back to a hoopty for my bands?